Oh, les amours d'autrefois étaient bien plus simples qu'aujourd'hui, sans cette technologie. Les amours d'aujourd'hui sont finalement anéantis. Thank you.